Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arved Barine, chapitre 8. Comment, ayant écouté et compris les conseils donnés par le Christ dans l'Évangile, il modifia aussitôt son costume et se revêtit de perfection, tant au dedans qu'au dehors. Le bienheureux François, ayant achevé l'œuvre de l'église Saint-Damien, continuait à porter l'habit d'ermite et marchait, ceint d'une courroie, les pieds chaussés et le bâton à la main. Un jour, après la messe, il entendit lire les paroles que le Christ avait dites à ses disciples en les envoyant prêcher par le monde, à savoir qu'ils n'emporteraient avec eux ni or, ni argent, ni sac, ni bâton, qu'ils ne porteraient pas de chaussures et n'auraient point de tunique. S'étant éclairci plus amplement de ces choses auprès du prêtre lui-même, il fut rempli d'une joie indicible et dit « Voilà ce que de tout mon cœur je souhaite accomplir. » Donc ayant bien mis en sa mémoire ce qu'il avait entendu, il s'efforça joyeusement de s'y conformer. Il commença par renoncer à ce qu'il avait en double, et dès lors il ne porta plus ni bâton, ni chaussures, ni sac, ni besace. Il se fit une tunique grossière et sans élégance. Il jeta sa courroie et prit pour ceinture une corde. Puis il appliqua tout son soin à bien comprendre les paroles récemment entendues et à chercher comment il pourrait les accomplir, et il se mit, par une inspiration divine, à se faire l'annonciateur de la perfection évangélique et à prêcher publiquement la pénitence en langage très simple. Ces paroles n'étaient ni frivoles, ni risibles, mais toutes pleines de l'Esprit Saint, et elles pénétraient jusqu'au cœur et jusqu'aux moelles, en sorte que ceux qui les entendaient en étaient émerveillés. Ainsi qu'il l'a attesté plus tard, le Seigneur lui avait enseigné à saluer dans les termes que voici, « Que Dieu te donne la paix ». Et dans toutes ses prédications, il commençait par saluer ainsi le peuple en lui annonçant la paix. Il est certes étonnant, et inexplicable sans miracle, qu'avant sa conversion, il ait eu en cela pour précurseur un homme qui souvent traversait Assise, en disant « Paix et bonheur ». De même que Jean, le précurseur du Christ, disparut quand le Christ commença sa prédication, de même cet autre Jean, qui avait précédé le bienheureux François dans l'annonciation de la paix, ne se montra plus dès que François eut apparu. Aussitôt donc après ce précurseur, l'homme de Dieu, François, tout plein de l'esprit des prophètes, allait annonçant la paix et prêchant le salut en langage prophétique, et, en écoutant ses exhortations salutaires, beaucoup d'hommes qui jusque-là, séparés du Christ, s'étaient éloignés du salut, s'unissaient dans la véritable paix. La vérité de l'enseignement si simple du bienheureux François, dont sa vie témoignait, se manifestait ainsi à plusieurs, et 2 ans après sa conversion, quelques hommes furent amenés à la pénitence par son exemple, et, se dépouillant de tout, se réunirent à lui pour vivre de la même façon. De cela, le premier fut le frère Bernard, de sainte mémoire. Considérant la constance et la ferveur de François pour le service divin, et voyant comment il restaurait avec tant de fatigue les églises en ruine et combien il menait une vie après rigoureuse, quoique accoutumé à toutes les délicatesses du monde, il résolut en son cœur de distribuer aux pauvres tout ce qu'il possédait, et de vivre et de se comporter en tout comme François. Un jour donc il alla en secret vers l'homme de Dieu, lui révéla son dessein et le pria de venir le trouver un certain soir. François, qui n'avait encore aucun compagnon, rendit grâce à Dieu, et se réjouit beaucoup, d'autant que ce Bernard était homme de vie très édifiante. Au jour fixé, il se rendit le soir chez Bernard, la joie au cœur, et y resta la nuit entière. Entre autres paroles, Bernard lui dit, si un homme avait reçu de son seigneur des choses petites ou grandes, et si, après les avoir gardées plusieurs années, il ne voulait plus les conserver, que pourrait-il en faire pour agir le mieux possible? François répondit qu'il devrait les rendre au seigneur même de qui il les avait reçus. Et Bernard lui dit alors, mon frère, je veux me dépouiller de tous mes biens temporels, pour l'amour de mon Seigneur qui me les a donnés, et en faire l'usage que tu jugeras le meilleur. Le saint lui répondit, demain matin nous irons à l'église, et nous consulterons le livre des évangiles pour savoir ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples. Le matin donc, en se levant, ils prirent avec eux un autre homme qui s'appelait Pierre et qui voulait aussi devenir frère, et ils se rendirent à l'église Saint-Nicolas, située près de la place d'Assise. Ils entrèrent dans l'église pour y prier, et comme ils étaient gens simples et n'auraient su trouver dans l'évangile des paroles sur le renoncement au siècle, ils supplièrent Dieu dévotement de daigner leur manifester sa volonté. Au moment même où ils ouvriraient le livre. Sa prière terminée, le bienheureux François prit le livre, et fléchissant les genoux devant l'autel, il l'ouvrit. En l'ouvrant, ses yeux tombèrent sur ce précepte du Seigneur. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu posséderas un trésor dans le ciel. En trouvant ces paroles, François se réjouit beaucoup et rendit grâce à Dieu. Mais comme il était fervent adorateur de la Trinité, il voulut avoir une confirmation par un triple témoignage, et il ouvrit le livre une seconde et une troisième fois. À la deuxième, il tomba sur ce passage, « Vous n'emporterez rien avec vous », et à la troisième, sur celui-ci, « Que celui qui veut me suivre renonce à soi-même ». Chaque fois qu'il avait ouvert le livre, François avait rendu grâce à Dieu de ce qu'une triple approbation avait été ainsi miraculeusement donnée aux désirs et aux projets qu'ils avaient déjà conçus. Et il dit aux deux autres, c'est-à-dire à Bernard et à Pierre, « Frères, voilà ce qui sera notre vie et notre règle et celle de tous ceux qui voudront se joindre à notre société. » Allez donc et accomplissez ce qui vous a été prescrit. » Le seigneur Bernard, qui était extrêmement riche, s'en alla donc, vendit tous ses biens, et ayant ainsi réuni beaucoup d'argent, il distribua le tout aux pauvres. Pierre, lui aussi, accomplit selon son pouvoir le précepte divin. Après avoir tout distribué, ils prirent tous deux l'habit que le saint avait adopté après avoir quitté l'habit d'ermite, et vécurent dès lors avec lui selon la règle du Saint-Évangile, ainsi que Dieu le leur avait indiqué. C'est pourquoi François dit dans son testament, « Le Seigneur lui-même m'a révélé de quelle façon je devais vivre selon le Saint-Évangile. » Mark M. Dan, Archive.org d'après la numérisation de l'Université de Toronto. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial partage à l'identique.